Alors, pour moi, c'était des gens qui étaient contre leur pays, et qui étaient, puisque la majorité était français, ils n'ont pas respecté les règles que tout individu doit respecter dans un système. Ils ont eu ce qu'il fallait. La brigade, pour nous, la gendarmerie, on a fait notre métier, on a répondu aux ordres. Et, intervention a été faite dans les quartiers, destruction de tout leur album, et encore, on est encore sur des copies privées qui traîneraient comme ça, mais... Alors, bon, l'idée, c'est bien évidemment, il faut resituer l'événement dans son contexte. Hein. Il faut savoir que ces 12 personnes rassemblées à eux seuls, hein, à eux 12, derrière plus de 50 000 jeunes aujourd'hui qui bougeaient un peu partout dans les cités, et de 50 000, on est passé à près de 500 000, on a frôlé le million, hein, juste avant la fin. Hein. Donc, il a fallu intervenir. Pour moi, la brigade, ça a été un désastre économique pour notre pays. Ils ont plongé toute une jeunesse dans une sorte de révolution que personne ne contrôlait. Et c'est pour ça que l'armée, à un moment donné, est obligée de mettre son nez. À ce moment-là, qu'ils font ça chez eux. Et moi, j'ai dit, à ce moment-là, qu'ils aillent chanter chez eux, qu'ils fassent le merdier chez eux, mais qu'ils nous laissent tranquilles. À ce que je sache, on n'est pas en Mozambique ici, non ? Bon, alors, il faut être sérieux, non ? Et c'est pour ça que l'intervention a été musclée, hein, puisque bon, c'est vrai qu'il n'y avait pas de, il y en a pas fait de prisonniers, mais en même temps, on n'avait pas le choix. Hein, ils nous amenaient trop loin. Hein. Trop de jeunes qui suivaient la brigade. C'était des gens trop dangereux.